Des Soirs de Poèmes par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par John Peterson. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Des Soirs. 1. Sur mes livres éteints, où, comme en un miroir, j'ai reflété mon cœur lassé, mon cœur du soir, après un jour vécu sans gloire et sans vaillance, lampe immobile, l'armée, dans le silence, vos feux par le sommeil qui vient, torpidement, clore mes yeux fanés et mon attristement. Lampe, brûlée, durant des heures et des heures, encore, inutile pour tout, mais les meilleurs pour le rêve veillé, dont mon esprit, hélas, au clair son nom matin, ne se souviendra pas. 2. Sous les vitres du hall nitreux, que le froid fort et vrille, et que des mâts brouillards baignent de verre, un soir, en tout un coup de gel, s'ouvre l'hiver, dans le foyer, fourbi de naphte et de phosphore, qui brûle, et le charbon pointu se mousse d'or, et le posthume été, dont l'or se réitère, il émeraude un bol, il entrecroise un verre et multiplie en chaton d'or son âme encore. Par à travers ce feu qui le détruit, sa joie est de faire des fleurs parmi les lustres vivre et d'allumer sa mort comme une fête. Au loin, lorsque tonne l'automne et que le vent disjoint, on serre en nœud ses poings et que gratte le givre. Ô cette mort que l'on torture et qui flamboie. Fin de Des Soirs.